et qu'il s'accroche aux images d'avant. Et s'il n'était qu'un être humain, perdu, vulnérable, inconstant, avec un cœur, des yeux, des mains, qu'il n'ait plus à jouer les Tarzans. Sa panoplie, qu'enfin tu ne sois plus pour lui. Rien qu'une femme parmi les femmes, rien qu'une femme parmi les femmes, rien qu'une femme parmi les femmes, rien que ta femme parmi les femmes. Ta chose du labyrinthe des métamorphoses, on devrait ressortir ensemble, à tout jamais débarrassé d'à peu près tout ce qui ressemble à toute notion du péché. J'attends celui pour qui j'aimerais tant.